avec un manche à balai. Briser 5-6 cordes là-dessus, pis tout sonne comme Sonic Youth. Je me suis fait une blonde qui joue de la bass avec une voix super grave. On fait du buvard dans le sous-sol, pis tout sonne comme Sonic Youth. Gars du lac, pas capable d'être Sonic Youth. Oui, j'tends. Gars du lac, pas capable d'être Sonic Youth. Pour m'acheter un disque de Sonic Youth. La fille au HMV elle me dit qu'elle passe au Sonic Youth. Elle dit que tout ce qu'elle a, elle sait du Sonic Youth. J'ai dit n'est-ce pas, nous autres on dit Sonic Youth. Gars du lac, pas capable d'être Sonic Youth. Oui, j't'en. Gars du lac, pas capable d'être Sonic Bonne soirée.